s'appellent Philip Glass, Steve Reich et Terry Riley. Et si d'autres gravitent autour d'eux et contribuent à ce qu'ils vont devenir, on peut affirmer sans risque que, contrairement aux trois mousquetaires, eux, ils sont vraiment trois. Philip Glass, Steve Reich, Terry Riley, nés en 1937, 1936 et 1935, ils étudient la musique et la philosophie dans les années 50 entre New York et San Francisco et sont restés célèbres pour leur musique qualifiée de répétitive. Mais que répètent-ils au juste ? En quoi la musique dite répétitive révèle l'essence même de la musique, de la chanson devenue un tube que l'on écoute en boucle, au disque de house que les DJ manipulent pour nous faire danser ? Il faut prendre la répétition au sérieux et la distinguer de la variation, la distinguer de la narration et répéter encore et encore jusqu'à obtenir un effet comique qui rappelle l'univers des sitcoms, comme l'imagine Neil Hannon, le chanteur du groupe The Divine Comedy, qui leur rend hommage. Idea for sitcom. Philip and Steve's Furniture Removal Company. Based on the early lives of Philip Glass and Steve Reich. In New York in the 60s. Many hilarious gags about the repetitive nature of the work and the phases that Steve's life goes through. Theme tune would be a bit like this. Philip and Steve's Furniture Removal Company. Philip and Steve's Furniture Removal Company. Philip and Steve's Furniture Removal Company. Philip and Steve's Furniture Removal Company. Philip and Steve's Furniture Removal Company. Philip and Steve's Furniture Removal Company. Philip and Steve's Furniture Removal Company. Philip and Steve's Furniture Removal Company. Philip and Steve's Furniture Removal Company. Philip and Steve's Furniture Removal Company. Philip and Steve's Furniture Removal Company. Bonjour Joanne Gérard. Bonjour Adèle. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Vous êtes en train d'écouter la chanson du groupe de Divine Comedy Philip and Steve's Furniture Removal Company. Clin d'œil direct donc à Philip Glass et Steve Reich. C'est dire l'influence de ces compositeurs sur la musique contemporaine. Divine Comedy est un groupe contemporain. C'est un clin d'œil aussi à leur jeunesse. Enfin oui, leur jeunesse, c'est-à-dire que pendant longtemps, Philip Glass composait, mais il faisait aussi des petits boulots pour vivre. Et donc, taxi notamment. Voilà, et déménageur. Donc voilà, le clin d'œil en fait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a à la fois cette dimension hyper drôle de ce morceau, qui les présente comme étant à l'époque quand même des galériens, parce qu'ils composaient dans le temps qui leur était imparti à côté de leur petit boulot. Et la musique de Neil Hannon est assez géniale, parce qu'on entend les claquements de mains en arrière-plan qui sont un hommage direct à Clapping Music de Steve Reich, qui était une des pièces phares du mouvement répétitif ou minimaliste, on en parlera. Ouais. Qui était composé justement pour des claquements de mains qui se déphasent, qui se décalent progressivement, et également effectivement cet usage du canon qui s'entrecroise et qui là aussi fait très directement écho à tout ce qu'on construit à la fois Reich et Glassin. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, leur influence en fait est plus que déterminante. C'est indéniable. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, c'est vraiment une forme musicale qui s'est diffusée dans plein d'interstices de la composition musicale contemporaine, qu'elle soit savante, mais aussi et beaucoup populaire entre guillemets. C'est-à-dire au-delà du conservatoire, ça a vraiment essaimé en partie dans la musique électronique, dans l'ambiance, dans l'électronica, dans la pop musique aussi, Divine Comedy par exemple. Il y a vraiment, c'est vraiment quelque chose qui a largement essaimé et qui a conquis plein d'univers très différents finalement. They'll take it apart, put it back together, strangely familiar, but never quite the same again. Alors on commence avec une chanson de l'univers un peu plus pop et mélodieuse, parce que ce qu'on va entendre ce matin quand même, il faut le dire, hein, Joan Gerard, ne s'appara pas toujours mélodique ni mélodieux. Pour être un peu aride parfois. Voilà, mais on l'assume et c'est passionnant. Et justement, on va se demander si c'est un type de musique qu'il faut comprendre pour apprécier. Vous êtes en tout cas, vous êtes musicien et compositeur dans le groupe Dorian Pimpernel. Vous êtes aussi chef de projet en études qualitatives d'opinion, de casquettes différentes. Tout à fait. Et vous êtes l'auteur d'un texte qui est issu de votre thèse, L'esthétique musicale de Terry Riley, Steve Reich et Philippe Glass, qu'on trouve aux éditions Presse Sorbonne Nouvelle. Commençons par le début, puisque la répétition a quand même un début. Est-ce que vous pouvez définir ce qu'est la musique répétitive? Alors... On a 50 minutes. Hein. On a 50 minutes. Alors, la musique, je dirais par nature, est répétitive dans tous les cas. Donc, il y a vraiment une dimension où comment se défaire de la quasi-synonymie entre musique et répétition. C'est quand même vraiment deux termes qui sont quasiment intriqués, quasiment synonymes, à tel point que le philosophe Peter Kaivy va parler a publié un ouvrage qui s'appelle The Fine Art of Repetition, le grand art de la répétition, pour parler de la musique. La musique, c'est l'art de la répétition parce que c'est un art du temps qui repose de fait sur la répétition de structure. Donc, effectivement, il y a toutes sortes de répétitions dans la musique de manière générale, que ce soit la répétition du couplet, du refrain, la répétition du rythme, la répétition des formes, la sonate, etc., l'exposition du thème, sa réexposition, la variation. Toute musique convoque la répétition d'une manière ou d'une autre. Même la musique la moins répétitive que la musique sérielle a quelque chose de répétitif parce qu'elle repose sur une série qui va se répéter, même si c'est très abstrait, entre ces occurrences. Alors, effectivement, les compositeurs... que sont Terry Riley, Steve Reich, Philippe Glass, vont, en un sens, inventer une forme un peu nouvelle de répétition qui est assez différente des formes les plus classiques de répétition, les formes les plus populaires de répétition aussi, dans la mesure où elle repose, à mon sens, sur l'exploration de procédés techniques, propres au médium. Et qu'il y a vraiment une histoire de la répétition qui est inscrite dans la forme du disque et de la musique pour bande, pour le dire vite. C'est-à-dire que cette esthétique-là va vraiment naître à plein de sources différentes, mais dont une source importante qui va être l'influence de la musique pour bande, de la musique enregistrée. Et de ce qu'on peut faire avec un magnétophone à bande. C'est-à-dire qu'on peut enregistrer des choses, les mettre en boucle, jouer avec ces boucles, les décaler dans le temps, etc., etc. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre leur composition et ce qu'on appelle la musique répétitive sans l'inscrire dans un contexte historique et musical de l'époque. Alors, si on veut l'apprécier, on peut ne pas le faire. Si on veut la comprendre, c'est intéressant de le faire. donc, effectivement, ce contexte, c'est celui vraiment d'un travail sur un matériau enregistré. Et c'est assez important. C'est ce qui a marqué les premiers travaux de Terry Riley, par exemple, qui va être vraiment sous l'influence de quelqu'un comme Pierre Schaeffer aussi, notamment, d'un travail sur le fait d'enregistrer des sons et de travailler non plus sur des notes, mais sur du matériau enregistré et de voir ce qu'on peut faire en le mettant en boucle, en le ralentissant, en l'accélérant, en le décalant dans le temps, en faisant des effets d'écho, etc., etc. Donc ça, c'est le premier temps, je dirais, c'est le moment fondamental de cette esthétique répétitive, qui est une répétition quelque part machinique. Comment on utilise la machine et comment on la détourne aussi. Comment on invente une forme de répétition qui n'est pas le canon, qui n'est pas la réexposition du thème, qui est autre chose, qui est totalement autre chose. Et second temps de cette esthétique, c'est comment on va transposer ou transférer ce modèle qui est propre aux machines. Steve Reich parle d'une musique qui est indigène aux machines, c'est-à-dire qu'il y a pour condition de possibilité un médium technique, qui est l'enregistrement, et comment on transfère cette musique qui est propre au médium vers l'écriture instrumentale. Comment on transforme les musiciens, les interprètes, en machines peut-être, ou du moins en personnes, en acteurs qui vont se comporter un peu à la manière d'une machine. Il y a une phrase assez amusante de Steve Reich qui dit des essuie-glaces sur un camion peuvent se déphaser, peuvent se décaler dans le temps de manière extrêmement progressive, mais est-ce que des gens peuvent le faire? Est-ce que des gens peuvent faire comme des essuie-glaces? Sans mauvais jeu de mots. Des essuie Philippe Glass, oui. Et donc, cette question, c'est vraiment comment on fait pour... voilà, c'est vraiment la problématique, en tout cas, de Riley puis de Steve Reich, un peu moins de glace d'ailleurs, de transposer ces découvertes. Il y a aussi une dimension un peu d'invention. Il découvre des procédés mécaniques et comment on transfère ces procédés mécaniques à l'écriture et au jeu instrumental. Alors peut-être, je parlais du contexte musical, rappelons, avant d'écouter, on va prendre des exemples pour bien expliquer et découvrir ce que vous êtes en train de nous raconter, Joanne Gérard. Je disais qu'il fallait comprendre le contexte de création. Pour ces compositeurs, ils s'inscrivent dans un contexte justement où il y a deux types de musique très différentes qui sont en vogue, la musique sérielle d'un côté et la musique de John Cage de l'autre. Est-ce que vous voulez nous les présenter ? Tout à fait. Alors, effectivement, il y a quelque chose comme un champ de conflit esthétique à l'époque, avec des positions bien prises et bien gardées aussi souvent, avec d'un côté, effectivement, une musique qui est largement inspiré de ce qu'ont pu faire les compositeurs qu'on appelle dodécaphonistes, notamment Arnold Schoenberg, Anton Webern, Alban Berg, qui ont influencé la composition, disons, entre guillemets, savante américaine à l'époque, ce qu'on appelait le sérialisme. C'est l'idée force du sérialisme, c'est de dire on ne répète jamais rien, pour le dire. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est une musique qui est anti-répétitive au possible. Pourquoi ? Parce qu'elle repose sur l'idée qu'on va utiliser les 12 notes de la gamme sans jamais en répéter une avant d'avoir utilisé toutes les autres. Donc ça, c'est le grand principe de base. Donc, de fait, c'est une musique qui se veut ennemie de la répétition et qui ne répète jamais rien, quoi. Et qui est aussi, du coup, ennemi de la tonalité, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'assise tonale, on n'a plus forcément d'harmonie. Bon, donc tout ça va être c'est une musique qui est assez radicale dans sa texture, hein, et qui remet en question totalement, qui chamboule totalement la manière dont on concevait la musique occidentale avant ça. Donc ça, c'est l'un des aspects que vont rejeter les répétitifs, c'est-à-dire qu'ils vont apprendre au conservatoire ou à la Juilliard School cette écriture sérielle, cette écriture dodécaphonique. Ils vont parfois s'en inspirer un petit peu, commencer à écrire leurs premières œuvres dans cette technique-là, avant de se dire mais c'est pas ça que je veux, c'est pas ce que je veux faire, c'est pas ce vers quoi je tends. Je ne tends pas vers ça. Pourquoi ? Parce que c'est une musique qui décrit très bien l'état de l'Europe dans l'après-45, une Europe en ruine, en miettes, et qui va se traduire esthétiquement par une musique qui va être expressionniste, assez torturée aussi, et qui n'a rien à voir avec l'Amérique de l'après-Seconde Guerre mondiale, qui est une Amérique optimiste et en même temps contestataire. C'est l'Amérique à la fois des hamburgers et des beatniks. Comment ma musique va traduire cette Amérique-là, qui est celle des beatniks, du jazz, mais aussi des hamburgers, du cinéma, etc., etc. Donc, rejet profond, fondamental de la musique sérielle. Rejet un peu moins net, très net chez Steve Reich, beaucoup moins chez Reilly et chez Glass, de l'esthétique de Cage. Alors, Cage, c'est un compositeur qui est assez génial, parce qu'il a vraiment chamboulé plein de toutes les règles musicales. Il a conçu cette œuvre limite qui est 4:33, une œuvre silencieuse où il ne se passe littéralement rien. 4 minutes et 33 secondes, c'est le titre de l'œuvre, et c'est 4 minutes et 33 secondes de silence. De silence absolu. Donc c'est effectivement une œuvre limite, qui questionne l'ontologie de l'œuvre musicale. Est-ce que c'est encore une œuvre musicale ? Pourquoi ? Comment ? Une grande question philosophique, du coup. Au-delà de ça, il a aussi inventé le piano préparé. C'est-à-dire qu'on y place des boulons, des vis dans un piano pour modifier le timbre. Il a beaucoup écrit sur le hasard, en utilisant notamment des jets de dés et en s'inspirant du haïking chinois, du livre des oracles, pour composer des partitions aléatoires. Il a également utilisé des imperfections de papier à musique pour mettre des notes là où il y avait des petits points d'imperfection. Bon, tout ça pour dire que Cage compose une musique qui est indéterminée. C'est ainsi qu'il la pense, qu'il la conçoit. Alors qu'à l'inverse, les répétitifs vont être dans une forme de nouvelle détermination. C'est l'exact opposé. Même s'il y a des ponts entre les deux. On reste dans le champ des compositeurs expérimentaux américains, bien sûr. Cage aura une influence, notamment sur la notion de processus, chez Reilly, chez Reich et chez Glass. Il y a une influence sous-jacente, mais il y a un rejet clair, net, de cette indétermination. C'est-à-dire que la musique des répétitifs est tout sauf une musique improvisée. C'est une musique qui est extrêmement réglée, on pourrait dire comme du papier à musique, qui est vraiment extrêmement réglé, contrairement à Cage, qui laisse une immense liberté à l'interprète. C'est pas le cas chez les répétitifs. Pour le coup, c'est vraiment une nouvelle détermination. Donc, dans ce champ d'opposition, qui est avant tout un rejet du sérialisme, un peu moins de Cage, mais un petit peu quand même, ils vont inventer une troisième voie. Et cette troisième voie, c'est cette musique pulsée, répétitive, qui revient à la tonalité d'une manière, mais d'une manière assez différente. Pourquoi différente ? Parce que lorsqu'on revient à quelque chose dans un contexte qui est nouveau, on fait quelque chose de différent, hein. C'est un peu l'histoire de Don Quichotte, Pierre Ménard, de Pierre Ménard de Borès, qui réécrit une partie de Don Quichotte dans le contexte de Dada, et donc ça n'a plus le même sens. Ouais. Lorsqu'on réinvente la tonalité dans le contexte de l'Amérique des années 60, ça n'a plus le même sens que ça l'avait précédemment. Alors, avant d'entendre les exemples de musique dite répétitive, surtout au début et pour Philip Glass, je vous propose qu'on écoute la voix de John Cage, justement, qui rend hommage à la musique de Philip Glass. J'aime bien le troisième acte de Satyagraha de Philip Glass. C'est merveilleux, c'est pas, mais j'admire cette œuvre. Quelques autres sont très actifs. Le dernier mouvement de Satyagraha, c'est magnifique. Et je crois qu'il doit s'intéresser dans l'idée de structure rythmique. Autrement, il ne pourrait jamais écrire sa musique. Il travaille avec de très bons musiciens aussi. C'est comme Merce Cunningham travaille avec de très bons danseurs. Le résultat, c'est que les exécutions de l'œuvre de Glass sent bien. Ça veut dire que la musique de Glass et Glass lui-même habitent le même monde. La musique de Philip Glass et Philip Glass habitent le même monde, dit John Cage. Prenons un exemple. Quel est donc le monde de Philip Glass en 1968 avec ce morceau « How Now ?» Joan Gérard, c'était une des premières compositions de Philip Glass. Est-ce que vous arrivez à décrire ce monde qu'il décrit à ce moment-là ? Alors effectivement, c'est une des premières compositions de Glass pour son groupe, le Philip Glass Ensemble. Là, en l'occurrence, c'est une interprétation de l'ensemble Alter Ego en 2006. Alors, c'est un monde, effectivement, qui... alors déjà, effectivement, j'aime beaucoup la phrase de Cage qui dit que Glass habite son monde. Et Glass le dit aussi un peu lui-même. C'est-à-dire que pour Glass, la musique, c'est un monde autonome qui a ses propres règles, ses propres lois, et qui requiert une certaine schizophrénie. C'est-à-dire, il y a le monde commun dans son esprit. Puis en même temps, il y a le monde musical qui est soumis à d'autres règles. Et c'est une notion que j'aime beaucoup, qui me rappelle aussi ce que dit quelqu'un comme Nelson Goodman sur l'art comme une manière de faire des mondes. C'est-à-dire, l'artiste, c'est celui qui va créer quelque part, inventer des mondes. Qui va créer son, prendre des pièces du monde réel pour créer des univers aussi un peu parallèles. C'est ça, c'est pas de la recopie du réel, voilà. C'est au contraire la création d'un autre réel. Ouais, tout à fait. Et c'est aussi ce qu'on entend ici, c'est-à-dire qu'il y a, bon, alors pour le coup, c'est une œuvre qui est assez apaisée, ce qui n'est pas toujours le cas des œuvres de Glass de l'époque. Donc c'est déjà en soi assez notable. Et puis on voit que, alors on a l'impression que bon, c'est très beau d'une part, c'est très apaisé et il se passe pas vraiment grand chose au début, ça se répète, et puis à un moment il y a une sorte de petits twists qui se passent, ça sautille, il y a comme ça. Il y a un léger, c'est presque un contretemps. Un contretemps qui fait que la tension d'un coup passe dans un autre mode d'attention. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, on est dans cette fascination, dans cet envoûtement de la stase qui va être déjoué d'un seul coup pour nous amener vers autre chose. Donc vraiment, je pense, Glass nous invite à avoir ces deux écoutes, qui sont à la fois une écoute un peu de l'envoûtement et une écoute du détail, de la tension et du fait d'être dérouté aussi. Il y a vraiment ces deux qui coexistent et je trouve que c'est ça qui est l'un des aspects fascinants dans la musique de Glass. Alors l'idée, Joanne Gérard, c'est quand même d'insister sur le fait que la répétition, c'est pas faire toujours la même chose, justement. Donc là, on est un an plus tard, hein. On est en 1969, oui, la musique s'appelle Music in Fifth. C'est très proche de ce que l'on vient d'entendre. Et donc vous êtes là avec nous ce matin, justement, pour essayer de nous dire en quel sens ce n'est pas la même chose, justement. Alors, c'est pas la même chose, d'une part, parce que, c'est une œuvre qui est assez particulière, parce qu'elle est encore plus répétitive que ce qu'on a entendu précédemment, d'une certaine manière. C'est à peine une mélodie, c'est un exercice à cinq doigts sur un piano, quelque part, hein. Il y a huit notes en tout qui vont être soumises à des processus que Glass appelle additifs et soustractifs, c'est-à-dire qu'il va ajouter des bouts de la cellule elle-même en retranché au fur et à mesure de la pièce, pour créer cet effet de surprise, d'une part, et pour créer aussi des rythmes aussi différents. Donc il y a vraiment cette dimension un petit peu d'exercice où Glass cherche aussi un langage, c'est-à-dire quelque chose de très quelque part grammatical dans cette œuvre. Oui. Donc on entend quelque chose de l'ordre d'un exercice. On est quelque part en deçà de la mélodie de cette manière. C'est pas franchement une mélodie, c'est plutôt quelque chose c'est une chose qui monte, qui descend, qui se répète, qui bouge un petit peu. Et c'est aussi un pied de nez aussi qui est assez intéressant à Nadia Boulanger, avec qui il avait enseigné le piano dans les années 60. C'est un pied de nez parce que c'est une musique qui repose sur des quintes parfaites, ce qui était strictement interdit selon les canons. Ah bon? Que lui avait enseigné Nadia Boulanger. Donc c'est aussi un pied de nez à ce qu'il a pu apprendre par le passé, à cette écriture tonale qu'il a apprise avec Nadia Boulanger, en disant, je pose une quinte parfaite tout le long du morceau. Et pourquoi c'était interdit? Parce que ça manque un peu de subtilité, parce que c'est la quinte parfaite, c'est pas forcément l'outil le plus intéressant pour composer, voilà. Et donc lui, il va directement là où c'est le moins intéressant pour voir ce qu'il peut en faire, c'est ça. Il y a vraiment cette dimension d'invention d'un langage. Je crois que cette pièce, c'est vraiment une pièce, encore une fois, qui pose les bases d'un nouveau langage. Avec tout ce que ça peut avoir aussi de balbutiant, on voit qu'il cherche quelque chose. Et c'est une fois qu'il aura posé ce langage qu'il va pouvoir l'investir, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une dimension, je dirais un premier temps où Glass invente ce langage, et un second temps où il va l'utiliser et revenir aussi à plus de mélodie, à plus d'harmonie, à la tonalité, etc., etc. Comme quelques années plus tard avec ce morceau qui s'appelle Montage. Alors là, contrairement aux autres morceaux dont on a entendu que quelques extraits, qui sont dans des durées, ça va jusqu'à 20 minutes, 25 minutes, ici ce morceau est beaucoup plus court, il dure 2 minutes 28, montage dans l'album North Star, l'étoile du Nord, en 77. Et alors là, ce qu'on entend, on est encore plus dans la répétition, on a l'impression qu'il y a encore moins de notes, Joanne Gérard, mais en revanche, ce qu'on entend, c'est l'introduction d'une dimension beaucoup plus électronique, on change de sphère là. Tout à fait. Là, c'est un morceau qui a été enregistré par Glass, donc on voit aussi, contrairement aux précédents, qui ont été interprétés par des musiciens, là c'est Glass lui-même qui est aux manettes, donc on voit aussi dans cette idée que Glass est son propre monde, son propre univers, c'est aussi quelqu'un qui est extrêmement intéressé par les techniques de production, par l'enregistrement, et qui va créer aussi une patte sonore. Si Glass rassemble ses musiciens pour créer le Philip Glass ensemble, c'est aussi pour créer cette patte sonore qui le spécifique, où il va notamment utiliser, on entend beaucoup d'orgue, d'orgue électronique, ouais. C'est l'orgue Farfisa, c'est un orgue un peu bon marché de l'époque, qui a une sonorité un petit peu aigrelette, il utilise aussi des synthétiseurs, etc., etc. Donc, il y a vraiment cette dimension chez Glass de créer sa propre patte sonore qui va être assez reconnaissable, notamment en amplifiant les instruments, alors que c'est pas forcément nécessaire, c'est vraiment pour des visées esthétiques, c'est pas pour qu'on les entende mieux, c'est pour que, parce qu'il aime le rendu du fait d'amplifier les instruments, en utilisant aussi des instruments électroniques notamment. Donc il y a vraiment cette dimension qui rapproche aussi le monde de Glass de l'univers du rock aussi, ouais. Où le rock de l'époque notamment, c'est aussi c'est un monde où on produit, où on crée une certaine patte sonore, et Rush est vraiment là-dedans. Et là effectivement on entend aussi des prémices de ce que sera la musique électronique, l'ambiance, etc. dans cette œuvre qui est assez courte, qui est très condensée, très ramassée, qui est aussi un peu tendu comme un arc, hein. Il y a quelque chose vraiment de quasiment un peu oppressant dans cette pièce. Voilà. Et est-ce que cette pièce peut nous permettre d'introduire un terme qu'on n'a pas encore prononcé et qu'il va falloir aussi définir? C'est celui de minimalisme. Oui. Alors. Parce que souvent on les tient pour synonymes, et Jacques Linco hier disait bien attention, il ne faut pas confondre minimalisme et répétition. Comment est-ce que vous le distinguez? Qu'est-ce que c'est que le minimalisme? Je dirais que c'est une différence d'éclairage. C'est-à-dire que le minimalisme nous parle des moyens, du matériau, d'une certaine économie de moyens. En l'occurrence, c'est ce qu'on vient d'entendre, c'est assez minimaliste pour le coup. On a assez peu de lignes instrumentales, finalement. Beaucoup de notes qui se répètent, avec très peu de variations. Donc ça, c'est vraiment la dimension du matériau, des moyens. La répétition, à mon sens, est plus structurelle. Donc ça fait le même éclairage. C'est-à-dire que on a d'un côté la question du matériau, de l'autre celui de la forme ou de la structure. Et je pense que ce qui définit au mieux l'esthétique de Reich et Glass, peut-être faute de mieux aussi, c'est cette notion de répétition, parce que après tout, les travaux de Glass à partir de Stein on the Beach n'ont plus grand chose de minimaliste. C'est luxuriant, voilà, on n'est plus du tout dans ce minimalisme. L'autre aspect, c'est aussi que le minimalisme renvoie aussi à la sculpture, à la peinture minimaliste, qui a aussi influencé Reich Glass, mais qui c'est encore un peu autre chose. Donc il y a aussi cette dimension, c'est déjà un terme qui est assez connoté d'une certaine école aussi artistique qui sont un peu plus âgées que l'ont été Glass, Reich, qui sont venus après. Quoi. L'amour de la répétition est en vérité le seul heureux. Tout comme l'heureux souvenir, il ne présente pas l'inquiétude de l'espoir, ni l'angoisse de l'aventure et de la découverte, pas plus que la mélancolie du ressouvenir. Il a la sainte assurance de l'instant présent. L'espoir est un habit neuf, raide et serré, étincelant, bien qu'on ne l'ait jamais porté, et que par conséquent, on ignore s'il vous va ou s'il vous siera. Le ressouvenir est un vieil habit qui, si beau soit-il, ne vous va plus, car vous avez grandi. La répétition est un habit inusable qui vous tient comme il faut, tout en restant souple, sans vous étouffer ni ballonner. L'espoir est une ravissante jeune fille qui vous glisse entre les doigts. Le ressouvenir est une belle femme d'âge mûr qui pourtant n'a jamais fait votre affaire quand il le fallait. La répétition est une épouse adorée qui ne vous lasse jamais, car seule la nouveauté est lassante. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Eh oui, Philip Glass, c'est aussi le sommeil de Truman dans le film de Truman Show, hein, dont nous sommes en train d'écouter la bande originale composée par Philip Glass. Joanne Gérard, j'ai lu un extrait d'un texte de Kierkegaard, publié en 1843, la répétition, qu'on traduit aussi parfois par la reprise, mais évidemment pour l'émission de ce matin, c'était mieux d'avoir la version avec la répétition. Et c'est fascinant parce qu'au fond, ce qu'il dit de la répétition correspond exactement à l'entreprise artistique et esthétique de Philip Glass, mais aussi de Reich et de Riley dont nous parlons ce matin. L'amour de la répétition est en vérité le seul heureux. C'est une manière de dire que seule la répétition nous met face à cette dimension du réel qui vaut la peine d'être vécue en réalité. Tout à fait. Alors, effectivement, chez Kierkegaard, bon, c'est une catégorie qui est avant tout éthique, voire existentielle, voire quasiment mystique aussi. L'idée, c'est effectivement cette opposition entre le ressouvenir qui est tendu vers le passé et la répétition qui est toute ancrée dans le présent, nous dit quelque chose aussi d'un rapport au temps et à la mémoire qui me paraît intéressant. C'est-à-dire que l'écoute d'une œuvre de musique classique repose en partie sur un ressouvenir. On attend le retour du thème, on attend la variation. Et lorsque ça se produit, il y a ce que Peter Zandi appelle un entendre double, où on compare ce qui s'est passé, ce qui arrive aujourd'hui. La répétition, ça n'a quelque part rien à voir. Ce n'est qu'un pur présent, c'est un temps qu'on pourrait dire vertical, c'est un temps qui n'est pas celui de la narration non plus, c'est un temps qui est cet instant pur dont on veut aussi qu'il se perpétue. Il y a aussi cette dimension du vouloir chez Kierkegaard, de vouloir que ce présent se perpétue, et aussi de confiance dans le fait qu'il puisse se perpétuer et qu'il est important de le vouloir. Mais au-delà de ça, dans cette dimension vraiment de temporelle, et de la temporalité musicale, c'est pas le propos de Kierkegaard, hein, mais on peut en tout cas tracer ce parallèle qui est intéressant. C'est de penser cette répétition comme une oreille portée sur ce qui se passe maintenant, hic et nunc, dans le déroulement musical, sans avoir forcément d'attente sur ce qui va se passer plus tard, ni de souvenir de ce qui s'est passé avant. Et de pouvoir, à cet égard, contempler aussi les objets sonores qui se donnent à nous dans la répétition. Je pense que ce qui est très intéressant, c'est que la répétition, c'est aussi une condition de possibilité pour entendre des petites différences. C'est-à-dire que finalement, le propre de la musique, c'est que c'est un art du temps. Donc finalement, l'objet musical se dérobe nécessairement parce que il s'évanouit une fois qu'il a été produit. La répétition, c'est aussi une lutte contre cet évanouissement qui nous permet aussi de contempler l'objet sous différentes facettes parce qu'on a le temps de le faire. C'est pour conjurer le temps qui passe, quelque part? Alors, il y a sans doute un rapport entre répétition et sentiment de stase ou d'éternité. Effectivement, quand Einstein et Nobich dure 5 heures, par exemple, musique in 12 parts dure 4 heures à peu près. Donc il y a ce rapport au temps chez les répétitifs, et chez Glass en particulier, qui est très distendu, où effectivement il y a cette idée de sortir du temps commun, du temps de la vie de tous les jours, pour entrer dans un temps autre, qui modifie, qui bouleverse nos repères aussi, qui demande aussi un temps d'appropriation. Comment on rentre dans ce nouveau temps, dans cette temporalité qui n'est pas du tout la temporalité usuelle à laquelle on est habitué dans ce qu'on peut appeler le temps commun. D'où l'espèce de rejet qu'on peut avoir aussi dans les pièces qu'on a entendues. Il y a quelque chose qui peut nous mettre mal à l'aise, il y a un inconfort sonore au début. Tout à fait. Et aussi, effectivement, il y a cette dimension où c'est dur d'y rentrer, mais une fois qu'on y est rentré et qu'on a compris ce qui pouvait s'y passer ou ce qu'on pouvait y trouver, ça devient extrêmement intéressant. Et dans cette perspective-là, les premières œuvres de Glass, notamment, ont cette dimension volontairement, entre guillemets, pédagogique. C'est-à-dire qu'ils fondent un nouveau langage pour dire voilà comment ça se passe, voilà ce qu'il faut entendre, et ça prend un peu de temps, mais vous allez y arriver, ça va être super. C'est un peu ce qu'il nous dit. Donc il y a vraiment cette dimension aussi de repenser notre rapport au temps, repenser notre rapport à la mémoire, repenser notre rapport à quelque chose comme la narrativité musicale, si ça existe. En tout cas, penser cette musique qui n'est plus forcément orientée vers une fin, qui est un peu moins téléologique que la musique à laquelle on est habitué finalement. Mais où en même temps il se passe des choses, il y a quand même cette notion de processus où il y a des choses qui bougent de manière très subtile, très furtive. Et c'est aussi là qu'on peut trouver l'efficace de la répétition. Si on pense à ce qu'écrit Deleuze dans Différence et répétition, il fait de la répétition finalement l'un des moteurs de la différence. C'est-à-dire que La répétition, ce n'est pas le même qui se répète, c'est cette force aussi qui va être porteuse de différence. Il n'y a pas de différence sans répétition finalement aussi. C'est ça, et chaque répétition est l'occasion sans doute de voir ou d'entendre autre chose de ce qui est, et ça produit une forme d'attention au réel assez particulière. Prenons un exemple, imaginons que vous entendez une phrase « il va pleuvoir », ce qui est sans doute le cas aujourd'hui d'ailleurs au moment où je regarde la fenêtre du studio vers ce ciel gris. « Il va pleuvoir », en anglais c'est « it's gonna rain », et bah, regardez ce que fait Steve Reich d'une phrase comme celle-ci « it's gonna rain ». Un peu plus tard, en 65, quand je commençais It's Gonna Rain en bidouillant avec les bandes magnétiques de Brother Walter, j'ai décidé, je sais ce que je vais faire. Je vais faire une sorte de canon, et ça va donner... Et on va voir après. Ok. Donc j'ai monté ces deux boucles aussi bien que je pouvais. On plaçait la bande dans une petite réglette de montage, on coupait avec une lame de rasoir, on les scotchait, on se taillait les doigts. J'ai placé les bandes sur les magnétos, j'ai branché un casque avec une prise reliée à une machine et une autre à la seconde, et j'ai simultanément appuyé sur le bouton « marche » pendant 5-6 minutes. Et pendant ce temps-là, j'étais rivé à ce processus continu dû aux irrégularités des machines, qui n'étaient pas parfaites, les irrégularités des longueurs des boucles, très faibles mais suffisantes pour qu'il y ait une lente dérive. Quelle forme extraordinaire avec lesquelles on peut travailler. Et là, on entend, Joanne Girard, comment progressivement une phrase entendue, en l'occurrence prononcée par un pasteur noir américain, au moment de parler aux gens qui l'entourent, eh bien, va progressivement perdre de son sens et se faire entendre sous un nouveau jour qui n'est plus celui de la communication, qui n'est plus celui de l'adresse à quelqu'un, qui n'est plus la phrase que je pourrais vous dire, regardez, il va pleuvoir, et qui devient autre chose. C'est là où la répétition crée véritablement une autre dimension, un autre aspect au réel. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a ce passage, on peut dire, du texte à la texture. Ouais. La dimension sémantique se disloque au fur et à mesure pour devenir un objet sonore, pour parler comme Pierre Schaeffer, qu'on va contempler sous différents aspects parce que ça s'impose à nous et qu'on va commencer à entendre des choses qu'on n'aurait pas entendues sans cette répétition. Donc là, très clairement, on a cette idée de la répétition comme une force productrice de différence, parce que cette répétition nous pousse, voire nous force à entendre autre chose que la sémantique, parce qu'on a déjà compris finalement le propos, et donc on passe forcément à autre chose, et c'est cette autre chose qui est intéressante et qui va créer aussi la force de l'expérience. Et cette pièce est assez emblématique, parce que c'est celle qui permet à Reich de découvrir le principe, ce qu'il appelle du déphasage. En voulant synchroniser ces deux bandes, il a observé un décalage très progressif, qu'il a accentué avec le pouce pour voir ce que ça faisait, et puis il s'est retrouvé avec une sorte de canon électronique un peu étrange qui finissait par revenir à l'unisson mais au bout d'un temps assez long, et ça donnait c'est un acte assez fondateur de son esthétique, et son l'enjeu qui était le sien suite à cela, c'est de se dire comment je vais appliquer ça à l'écriture instrumentale, comment je transforme ce procédé purement machinique à l'écriture instrumentale. Et il va le faire avec des œuvres pour phase comme Piano Phase, Violin Phase, où il va prendre des paires d'instruments, deux pianos, deux violons, qui vont se déphaser comme les magnétophones se déphasent. Là, ce sera des exécutants humains qui vont apprendre à se déphaser très progressivement, ce qui demande une rigueur incroyable et une nouvelle manière aussi d'exécuter la musique à laquelle les musiciens n'étaient pas habitués. Et le résultat, le voilà. Donc là, on retrouve la même structure de répétitive qu'on avait avec la voix It's Gonna Rain. Cette fois-ci, on a deux pianistes qui jouent exactement la même série de cinq notes en continu, en phase, et puis ensuite ça va devenir en opposition de phase justement. Donc c'est vraiment la transposition de sa technique du déphasage qu'il utilisait avec les bandes magnétiques vers une œuvre instrumentale. Tout à fait. C'est ce que j'ai appelé le transfert. C'est que voilà, c'est un procédé qui est propre aux machines et qu'on va appliquer au champ de l'exécution, disons instrumentale humaine, avec tout ce que ça implique comme changement de perspective aussi. C'est une œuvre qui est extrêmement exigeante aussi à exécuter pour un interprète, parce que ce décalage est extrêmement progressif. Hein, c'est pas un décalage d'une croche ou de voilà. C'est vraiment extrêmement quasiment imperceptible. Donc ça demande une certaine maestria pour arriver à le mettre en œuvre. Et c'est là aussi que les répétitifs sont très intéressants, c'est qu'ils relient deux points de la pratique musicale qui n'ont à peu près rien à voir, sur la musique pour bande qui est fixée, qui est enregistrée, à la pratique instrumentale en concert. C'est-à-dire qu'ils relient deux points d'une cartographie de la répétition qui sont extrêmement différents. Et je crois que leur geste doit se comprendre aussi comme ça, dans cette influence fondamentale, profonde, parmi d'autres, de la machine, qui se conjugue aussi à d'autres influences, bien sûr. Il y a à la fois le jazz, la pulsation du jazz, qui est extrêmement importante dans leur travail. Il y a aussi la musique indienne, classique indienne chez Glass, la percussion ghanéenne chez Reich. Donc un assemblage d'influences diverses, mais cette dimension machinique et son transfert vers l'instrumental, pour moi, c'est vraiment ce qui définit en propre cette forme de répétition qui est celle des compositeurs répétitifs. Mais ça provoque une forme d'angoisse, vous trouvez pas ? Parce que cette musique-là, elle en évoque une autre ? Ouais. Écoutez. Vous reconnaissez cette musique ? Michael Field, ouais, c'est la VO de l'Exorciste. L'Exorciste, absolument. Donc si vous avez les poils qui se dressent sur les bras, c'est que vous avez vu le film. C'est troublant, cette similitude. C'est troublant et ce n'est pas un hasard. Non, j'imagine. Bon, on y a pensé ce matin, figurez-vous, dans le bureau avec l'équipe, avec Jules Barbier et Laurence Malanda, en préparant l'émission. On s'est dit, mais tiens, c'est exactement le même effet produit. Je pense que ça montre deux choses. Ça montre d'une part, effectivement, l'influence de Reich, de Glass, sur un certain rock des 70. Michael Field vient de ce qu'on appelait le rock progressif. Donc ça, clairement, il y a cette influence-là qui est assez sensible, hein, tout comme Glass a influencé les Who, notamment à l'époque. Bon, il y a vraiment cette dimension où le rock s'est inspiré de ça. Ouais. Et l'autre aspect, c'est effectivement, qu'est-ce que ça a pu donner au cinéma ? Quel usage ça a pu en être fait ? Et effectivement, la musique répétitive est devenue aussi un idiome cinématographique qui peut être parfois utilisé pour témoigner notamment l'angoisse, la peur. C'est ça. Tout à fait. Mais la répétition est un vecteur. Alors voilà, vous avez bien montré en quel sens la répétition pouvait nous faire accéder à une certaine partie du réel, à induire un certain rapport au temps, qui était peut-être à la fois le plus juste possible, en même temps la meilleure façon de conjurer notre finitude. Et en même temps, c'est aussi en effet ce travail sur des pulsions qui font que ça peut nous mettre dans un état. Alors on peut parler de transe, on peut parler de spiritualité, mais aussi de cette espèce de terreur. Parce que justement, ça ne s'arrête jamais. Il y a cet effet-là quand même dans la musique répétitive. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Disons que les œuvres... Enfin, elle arrive très très tard. Elle arrive très tard. Alors, ça dépend. Oui, donnez-moi tort. Il y a parfois une fin, parfois il n'y en a pas. Certaines œuvres, effectivement, cessent sans avoir vraiment de fin. Après, chez Reich, par exemple, il y a quand même cette idée qu'on suit un processus. Et un processus a forcément un terme, une fin. Que l'intérêt, c'est de le suivre. Après, effectivement, il y a des effets d'envoûtement qui sont clairement liés à la répétition. De transe, je ne sais pas, parce que finalement, la transe est un processus socialisé avant que d'être musical. Donc, c'est un peu moins évident de dire cela. Mais effectivement, la répétition est aussi source peut-être d'angoisse, mais à tout le moins d'oubli aussi, de se plonger dans un temps qui s'étire, qui s'étend et qui fascine. Alors, la frontière entre angoisse et fascination dépend peut-être de chacun, mais en tout cas, on est sur ce point-là qui peut effectivement basculer peut-être subrepticement de l'un à l'autre. Mais il y a à minima cette fascination de cet objet qui se donne sous des atours légèrement différents, mais pas tant que ça, et qui nous happe, quoi. Il y a vraiment cet effet aussi de saisissement. en tout cas. Alors quand Philip Glass lui-même revient sur ce qu'on a appelé la musique répétitive, il l'écrit hein, dans son texte qui s'appelle Paroles sans musique, il dit un des malentendus les plus courants à propos de ma musique était de croire qu'elle ne faisait que se répéter. Or, ce n'était jamais le cas, sans quoi elle aurait été inaudible. Ce qui la rendait audible, c'était précisément les changements. Un jour, j'ai entendu un compositeur parler de ma musique. Il disait « Bah, c'est simple, vous prenez un accord de Do majeur et vous le jouez à l'infini. Voilà ce que fait Philip Glass. » Eh bien, ajoute Philip Glass, c'est exactement ce que je ne fais pas. Il se trompait complètement. Pour que la musique soit audible, je jouais sur des modifications. 1-2, 1-2-3, afin que l'oreille ne soit jamais sûre de ce qu'elle allait entendre. Music in similar motion, ou n'importe laquelle de mes premières œuvres, sont intéressantes en ce qu'elles ne se répètent pas. Et ne pas le voir, c'est comme aller au théâtre, dormir pendant la pièce et se réveiller pendant des entr'actes. On rate l'essentiel. Cet extrait est génial. ce que nous dit Glass, c'est finalement, n'écoutez pas la répétition. C'est pas ça qu'il faut entendre. C'est que la répétition est un moyen d'aller au-delà de la répétition. Il faut la répétition pour ne plus entendre la répétition. Et je trouve ça fascinant et vraiment génial. C'est qu'effectivement, la répétition n'est là que pour nous montrer autre chose qu'elle-même. Elle est là pour porter des différences. Elle est là pour induire de la surprise, pour induire de la fascination aussi, et pour créer ces micro-différences. La glace parle des fameuses structures additives, on a l'impression que ça se répète, mais en fait non, en prêtant l'oreille, on voit que ça change un peu tout le temps, et c'est ça qui est intéressant, c'est une perception qui va être très très fine, des micro-détails, des micro-changements, et on n'est pas habitué à cette forme de perception. C'est-à-dire que là, il y a vraiment, une sorte de didactique de l'écoute, où Glass nous invite à écouter autrement. Inventer une nouvelle écoute extrêmement attentive aux moindres détails, et pour que ça fonctionne il faut la répétition. Alors est-ce que la répétition est un mal nécessaire, une condition de possibilité? On peut en discuter longuement. Oui, en tout cas, non, mais ça implique un effort de la part de l'auditeur. C'est un certain rapport à la musique qui n'est pas celui qui consiste à appuyer sur un bouton pour entendre une musique qu'on a envie d'entendre avec le plaisir de l'écoute que ça induit. Ça demande un effort, et c'est d'ailleurs ce que les détracteurs de la musique répétitive vont avancer en disant mais c'est une musique intellectuelle, au fond c'est une musique qui demande beaucoup de médiation intellectuelle pour pouvoir l'apprécier. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Joanne Gérard? Je pense que ça demande un peu moins de médiation intellectuelle que pas mal de musique contemporaine, de la musique répétitive. À mon sens, c'est une musique qui touche vraiment à l'ordre du sensible aussi. Il y a vraiment, enfin, ça rejoint ce que disait Jacqueline Coux hier, il y a vraiment cette dimension aussi où on entre dans ce monde de glace, dans ce monde de Reich, où on est saisi, on est envoûté aussi. Je pense qu'il y a une dimension très très physique, très sensorielle, qui joue à plein dans cette musique. Mmh. Reich, par exemple, parle avant tout de ce qu'il appelle les effets psychoacoustiques de sa musique. C'est-à-dire que ce qui l'intéresse, c'est comment on va réagir à toutes ces petites différences, à ce qui déborde du cadre finalement. Donc je pense pas que cette musique si intellectuelle que ça, au sens où elle nous rappelle aussi à des choses très élémentaires, très fondamentales, la pulsation. Il y a plein d'accords parfaits chez Glass qui sont assez luxuriants. Là, effectivement, on a écouté des œuvres un peu plus assez arides finalement. Il y a des choses chez Glass qui sont globalement beaucoup plus accessibles entre guillemets. Donc, je suis pas sûr que ce soit une musique qui soit exigeante intellectuellement. Elle l'est perceptuellement. Il faut apprendre à voir ces différences et à faire cet effort-là, sans doute. Et encore, une des meilleures preuves que cette musique s'adresse aussi directement au corps, c'est que quelqu'un comme le producteur et DJ Laurent Garnier se revendique directement de Philip Glass. Écoutez. Ce que j'ai envie, c'est que les gens commencent à comprendre un peu notre mouvement et que c'est quand même musical. Quand on parle de musique répétitive, il y a des choses répétitives qui sont très beaux, il y a des choses répétitives chiantes, que ce soit dans n'importe quel style musical. Et moi, ce que j'aime dans la techno et ce que j'ai retrouvé, enfin, c'est pas dans la house, j'ai retrouvé des musiciens qui font de très belles mélodies et des morceaux. Il y a beaucoup d'émotions, c'est tout. Moi, j'aime l'émotion et que ce soit dans n'importe quel style de musique, j'aime l'émotion. Donc vous, c'est plutôt Philip Glass que Pinocchio? Ah oui, complètement. Philip Glass, oui. Là, on parle le même langage, ça, c'est sûr. Wake up. Alors voilà, pour ceux qui nous écoutent en se réveillant, bah c'est le moment, c'est Laurent Garnier qui vous réveille, wake up. C'est fascinant d'entendre ça, juste après avoir entendu tout ce que nous avons écouté ce matin, Joanne Gérard, parce qu'on voit directement, on voit le lien direct avec tout ce qu'on a entendu. On voit un lien très direct. Alors c'est assez, une phrase de Glass qui est assez amusante, c'est lorsqu'il a découvert Donna Summer qui chantait I Feel Love avec l'arrangement de Giorgio Moroder, très synthétique comme ça, avec ses boucles qui sont proto-techno quelque part, il a dit je tombais de ma chaise, je me suis dit c'est exactement ce que je fais depuis 10 ans. Ouais, c'est ça. Donc il y a effectivement cette filiation qui est tout à fait évidente. C'est cet usage de boucles, de cellules qu'on va faire un peu dévier, qu'on va modifier avec des filtres notamment par exemple. Donc il y a vraiment ce jeu aussi de la différence et de la répétition, c'est-à-dire comment sur une structure répétitive là aussi qui en appelle à une certaine physicalité, à une pulsation qui va aussi nous appeler une réponse physique, et comment on la déjoue un petit peu à chaque fois en changeant des petites choses de manière assez fine, assez subreptice, comment on emmène l'auditeur sur la perception de ces micro-mouvements, de ces micro-changements. Mmh. Donc il y a vraiment cette communauté effectivement de propriété dont on voit très bien comment le fil se construit, quoi. Et comme si Laurent Garnier avait voulu directement prendre la méthode répétitive et faire en sorte qu'elle s'adresse directement au corps, parce qu'effectivement Laurent Garnier c'est un DJ, c'est-à-dire que lui le but c'est aussi qu'on bouge notre corps en l'écoutant. Oui. Il y a effectivement une physicalité qui est encore amplifiée par le fait qu'on est dans une musique qui s'adresse directement plus directement au corps et à la danse. Donc c'est aussi intéressant de voir que là aussi ça appuie ce qu'on a pu dire sur la physicalité de travail de quelqu'un comme Glass ou comme Reich. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette dimension où la pulsation appelle aussi à une réaction du corps aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut que se trémousser sur une pulsation régulière. Il y a vraiment cette dimension-là qui est fondamentale et qui vient des répétitifs certes, mais qui vient de la manière dont les répétitifs ont écouté le jazz aussi. C'est ça. Et avec cette revendication, vous l'avez entendu, alors tant chez Philip Glass que chez Laurent Garnier, que chez Reich et que Terry Riley. Alors bon, il a fallu choisir ce qu'on allait entendre, donc on n'a pas entendu la voix de Terry Riley. Mais il y a quand même cette revendication à chaque fois d'un nouveau langage. Oui, ça c'est fondamental. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée d'arriver à créer une... Alors, je dirais qu'il y a deux moments... Allez-y, il me reste une minute. Je dirais qu'il y a deux moments chez Glass et chez Reich. Il y a le moment d'invention d'un nouveau langage, c'est-à-dire comment face au surréalisme, comment face aussi à l'indétermination, on crée quelque chose de nouveau, on réinvente une grammaire avec les éléments qui sont les nôtres, le jazz, la machine, les musiques extra-occidentales au sens large. Et puis un second moment, ça c'est un peu le moment moderne, c'est-à-dire qu'on va créer quelque chose de radicalement nouveau, et comment partant de là, il y aura un second temps qui sera peut-être plus post-moderne, où on va utiliser ce langage, l'employer, et aussi tisser des ponts entre ce nouveau langage et le passé, et les formes les plus classiques aussi de la musique savante occidentale. Merci beaucoup, Joanne Gérard, d'être venu ce matin nous parler de musique répétitive. Votre livre s'appelle L'esthétique musicale de Terry Riley, Steve Reich et Philip Glass, qu'on trouve aux éditions Presse Sorbonne Nouvelle. On se quitte avec une ultime chanson, une chanson composée par Philip Glass et interprétée par Mick Jagger dans le film The Streets of Berlin. Streets of Berlin, I must leave you soon. Oh, will you forget me? 'Cause I'm never really here. Find me a bar on the cobblestone streets where the boys are pretty. La chanson, c'est The Streets of Berlin, et le film, c'est Bent, réalisé par Sean Mathias en 97 sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie. Il est temps de retrouver le philosophe Frédéric Worms pour sa chronique quotidienne, Le Pourquoi du Comment. Comment accepter la réalité? L'une des phrases peut-être les plus profondes du XXe siècle, je n'hésiterai pas à le dire, vient peut-être non pas d'un philosophe professionnel, mais d'un pédiatre devenu psychanalyste, un médecin devenu thérapeute d'une manière plus générale, en particulier avec les enfants, le pédiatre et psychanalyste Donald Winnicott. Dans l'un de ses livres, il écrit en effet cette phrase qui rejoint les plus grandes sagesses antiques pour nous amener à conduire notre vie. Cette phrase, c'est la suivante. L'acceptation de la réalité est une tâche sans fin. En effet, l'acceptation de la réalité, le consentement à ce réel qui nous résiste, est peut-être le plus grand défi de nos existences individuelles et de nos existences morales. Le réel, pour la psychanalyse, c'est toujours ce qui fait irruption dans nos vies, malgré nos représentations et surtout malgré les représentations que nous avons construites, parfois pour nous en protéger. Le réel, c'est d'abord le négatif. Nous avons peur du réel. Le réel, c'est aussi la résistance du monde à nos désirs. C'est ce qui fait que la mort est non seulement possible, mais parfois fait irruption et que nous devons l'accepter. Le deuil et fait partie de cette acceptation sans fin de la réalité qui limite nos désirs, qui s'y oppose en profondeur. Ainsi, la psychanalyse retrouve d'étape en étape, de Freud à Winnicott en passant par Lacan, cette grande sagesse antique qui fait qu'il faut, comme disait Descartes, changer plutôt nos désirs que l'ordre du monde. L'acceptation du réel fait partie de la sagesse depuis l'Antiquité. Et l'on a tort de voir dans la psychanalyse une sorte de mode contemporaine, alors qu'elle rejoint en profondeur cette expérience de la sagesse qui traverse toute la philosophie et toutes les sagesses du monde d'ailleurs, toutes les cultures du monde. Marquons des degrés. Pour Freud, le principe de réalité s'oppose au principe de plaisir. Il y a une tension entre les deux qui définit tout le psychisme humain. Nous avons des désirs, nous recherchons le plaisir et puis boum. Le réel est ce qui s'y oppose et il faut l'accepter, il faut y consentir pour se construire comme sujet avec un équilibre malgré tout entre le désir et la réalité. Lacan va beaucoup plus loin. Le réel, c'est ce qui fait irruption, ce qui nous échappe absolument et ce qui vient détruire nos constructions symboliques et imaginaires. Le réel, c'est ce qui vient détruire ce que nous avons construit pour nous en protéger, comme si tout le psychisme finalement visait à éviter cette terrible réalité dans laquelle nous vivons. Mais chez Winnicott, il y a encore plus de sagesse, peut-être rejoignant la grande pratique de la philosophie et de la vie humaine. L'acceptation de la réalité est une tâche sans fin, mais nous ne la faisons pas tout seul. Nous sommes aidés, nous sommes soutenus en cela. Dès notre naissance, ce petit nourrisson jeté dans le réel, et bien heureusement, il y a d'autres êtres humains qui viennent aussi l'en protéger. La protection face au traumatisme de l'irruption du réel, ce n'est pas seulement l'inconscient ou le discours, comme chez Freud ou chez Lacan. Non, ce sont les actions entre les êtres humains. Nous nous protégeons du réel en l'acceptant, bien sûr, en y consentant, comme dans les plus grandes sagesses antiques, mais aussi en nous construisant dedans, en nous construisant réellement comme des sujets capables de vivre dans ce réel qui nous résiste, mais que nous pouvons transformer. Merci beaucoup Frédéric Vorn, votre chronique Le pourquoi du comment est à réécouter en ligne sur le site de France Culture. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Jules Barbier avec Manon Delassalle, Thaïs Éloi-Hamor, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda qui réalise pour vous cette série d'émissions. À la prise de son aujourd'hui, c'était Ludovic Auger, à la lecture des textes Bernard Gabet. Je vous donne rendez-vous demain. Demain, comme tous les vendredis, ce sera cours particulier en compagnie demain du psychiatre Philippe, du psychiatre Raphaël Gaillard. D'ici là, vous pouvez réécouter l'émission en vous rendant sur le site de France Culture. Vous pouvez aussi la télécharger, la podcaster grâce à l'application Radio France. À demain 10h, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.